Si tu meurs alors que je te parle, que je caresse ta peau brûlante, que le jour est encore éclatant, que les étoiles ronflent derrière le ciel. Si tu meurs alors que je t'embrasse, que je sens ton souffle dans mon cou, que j'aime le parfum de ton souffle, alors que les draps s'échappent du lit. C'est peut-être le dernier souffle qui nous reste à cracher. Sera-t-il plus beau? Oui, il sera beau. Si tu meurs alors que je jouis, que mon cœur tape dans ma tête, que mes muscles cassent mes os, c'est peut-être le dernier souffle qui nous reste à cracher. Sera-t-il plus beau? Oui, il sera beau. Si tu meurs alors que je plane, surfant sur des nuages d'endorphines, la main effleurant les étoiles.